Juliette Lhermina Flandre, L'affreuse ascension. Livre audio gratuit, lu par Sabine pour audiocité.net, sous la licence Art Libre. Lentement, avec un bruit de terre froissée, quelque chose se préparait à sortir du terrier. Un long museau pointa, suivi d'une paire d'yeux obliques. Regard méfiant, regard averti des ruses de la nature et de celle de l'homme. La solitude aride était rassurante et le temps frais invitait à la chasse. Par petites secousses, le reste de la bête apparut. Son pelage était d'un roux fauve sur le dos, le gilet blanc comme celui d'un homme du monde, et les doigts gantés de noir. Pour finir, une queue longue, touffue, rousse, avec l'extrémité blanche, balaya le sol, et Maître Renard se redressa prudemment. La veille, il avait proprement égorgé un blaireau dont le terrier le tentait. Cette demeure, convenablement agrandie, avait abrité son sommeil paisible. La conscience légère, Renard s'en alla à l'aventure. Il s'éloigna du village, étant ce jour-là quelque peu misanthrope comme il nous arrive à tous. La montagne se dénudait sous les premiers vents d'automne. Le paysage était sévère et le ciel, semé de nuages blancs, menaçant. Renard, levant les yeux, apercevait le formidable mont Pilate. « J'ai autant de taille pour lui qu'en ont pour moi les puces de ma fourrure. » Et la pensée qu'il pouvait paraître imposant à un être, fût-ce un insecte méprisable, le réconfortait lorsque... « Oh oh, qu'est-ce que cela ?» Dans le ciel, aux menaces de neige, un point noir. Un point noir en lui-même n'est pas chose inquiétante. Les bolides sont rares. Pourtant, Renard s'arrêta net et ses jambes tremblèrent. Un nouveau coup d'œil en haut et il se mit à courir. Au même moment, le point noir commença à descendre vertigineusement. Le regard oblique du renard s'angoissa. Le point noir avait un bec terminé par un crochet et des ailes énormes. Il pointait vers le sol et son œil affreux semblait un petit soleil flamboyant. Oh ! Renard n'avait pas besoin de se retourner pour le reconnaître avec sa pupille sombre cerclée de blanc et de rouge. Devant le danger, il n'était plus qu'une force obscure fonçant dans le vent. Le point devenait une ombre. On eût dit qu'un voile noir tombait de la montagne pour l'ensevelir vivant. Le plateau était nu et désert, ni refuge ni secours. L'aigle, près d'atterrir, le frôla. Il courut plus fort, ou plutôt il vola lui-même. Un brouillard rouge était devant ses yeux, et il sentait l'oiseau épouvantable qui, tantôt au-dessus de lui, tantôt à ses côtés, guettait le moment propice pour le saisir. En filant, il attendait. C'est pour cette seconde, pour l'autre. Pourquoi n'est-ce pas encore ? Les cerfs s'abattirent. Le choc nerveux fut tel qu'une douleur de fer rouge traversa l'épine dorsale du cerveau aux vertèbres caudales. Puis il y eut une oscillation. Renard fut soulevé de terre. Plein d'horreur, il regardait au-dessous de lui comme pour revoir ce sol d'où on l'arrachait. La terre était sèche avec des cailloux enfoncés. Il se mit à battre l'air d'une seule patte, d'un mouvement affolé et machinal. Puis il sentit qu'il montait et ferma les yeux. En somme, il était mort. Tant qu'on a sous ses pattes la terre solide, on lutte. Mais dans les hauteurs, on ne s'échappe que pour venir s'écraser en bas. Une sensation de froid plus vif le réveilla et lui rendit conscience de l'horreur de sa situation. D'abord, il sentit les cerfs solidement agrippés. Renard planait. Il aperçut, loin, très loin, le village aux toits rouges. Autour de lui, le ciel, les pics montagneux, et au-dessus... Au-dessus... Voyons donc. Il réussit à se tortiller le cou. Une horrible tête, décharnée, les yeux fixes, se penchait. Le bec touchait presque son crâne. Peut-on dire que Renard eut une idée ? Pensa-t-il ? Ou bien, à partir de ce moment, fut-il uniquement guidé par le besoin désemparé de vivre et par le merveilleux instinct de conservation ? Il voyait au-dessus de lui le cou du gibaète. S'il pouvait l'atteindre et le mordre, il serait sauvé peut-être. Tous deux tomberaient. Et alors ? Alors ? Il commença par remuer doucement le cou, par agiter une patte. la bête de proie ne parut pas s'en apercevoir. Sans doute, elle avait la vision de l'air où elle déchirerait sa proie vivante. Renard allongea le cou. Lentement, sans soubresaut, il visait. Le froid l'engourdissait. Il lui parut que, seules, ses mâchoires étaient vivantes et qu'elles avaient la puissance d'un étau. Clac ! La gueule se referma. L'instant fut terrible. Le gypaète cria. On eût cru entendre le sanglot d'un damné dans ses solitudes. Puis ses serres se refermèrent plus étroitement, et Renard sentit jaillir son sang. Puis l'oiseau vola encore, le bec ouvert, l'œil sanglant, apocalyptique. Renard ne lâchait pas. Il sentait confusément craquer les os. Le gypaète commença à tomber. Parfois, d'un coup d'aile, il remontait, puis c'était la descente brusque, et encore la lutte désespérée contre l'étranglement. Le bec claquait, et toujours les serres s'enfonçaient davantage en des convulsions d'agonie, et les mâchoires du renard serraient, elles aussi, de plus en plus. Brusquement le cou céda, il pendit. La chute fut rapide, brutale. Renard eut la sensation d'un écrasement d'os sur la surface dure, et le monde entier tourbillonna. Quand il reprit conscience, il faisait complètement noir. Il était couché sur quelque chose qui se refroidissait, et sa gueule fermée était pleine de plumes. Il ne voyait rien, le silence était absolu. Le sang coulait de la plaie de son dos. Il se souvint de l'horrible chute, allongea la patte, tâta. L'ennemi ne vivait plus. Mais comme paralysé par le froid et le choc, il ne pouvait plus bouger, quelque chose d'affreux passa en lui. Si le gypaète était mort, ne l'était-il pas lui-même? Ce noir, ce silence, c'était la mort. Jamais plus il ne courrait sur les routes pour dévaster les basses-cours. Jamais plus il ne goûterait à la chair chaude des jeunes lapins et des poulettes. Quelle horreur si la mort c'était l'immobilité éternelle avec la pensée toujours vigilante. Il sentit son corps devenir de pierre. Mais soudain, faiblement, l'ombre s'éclaira. Sur le ciel se dessina une silhouette formidable, et la lune se leva. Elle semblait sortir d'un océan profond, et s'éleva, blanche, lumineuse, admirable. Le mont Pilate parut. Un rayon glissa et éclaira un petit renard bien vivant et un oiseau de proie mort. Alors, Renard comprit qu'il était toujours sur la terre. Il entendit bruire en ses veines la joyeuse chanson du sang. Il se détira, fit craquer ses jointures. En vérité, rien n'était mort que le gypaète. Toutes les forces de la vie affluèrent en lui, et, en léchant ses blessures, il attendit, frémissant d'un nouveau désir de vivre, que voulut bien se lever le soleil.